Mosaic. Amis chers auditeurs, fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, bonjour, bonsoir selon les endroits où vous êtes. Point de doute, vous avez reconnu l'indicatif, l'émission c'est Mosaïque, votre émission préférée. Aujourd'hui nous allons débattre sur les innovations que porte le nouveau projet de loi portant révision du code de procédure pénale adopté au Conseil des ministres qui s'est réuni le mercredi 10 et vendredi 12 mai 2017. Dans notre pays comme partout ailleurs, les règles de la procédure pénale fixent le cadre juridique que doivent respecter l'enquête, la poursuite, le jugement et l'exécution de la peine. D'après le communiqué qui est sorti après le Conseil des ministres, la révision du code de procédure pénale est motivée par l'évolution de la criminalité. Ce projet de loi introduit de nouvelles règles dérogatoires au droit commun de la procédure pénale, spécialement en matière de perquisition ou pour certaines infractions graves limitativement énumérées par la loi, l'amende de perquisition ne pas requis et la perquisition de nuit autorisée. Dans l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous allons insister sur cette innovation. Les avis des uns et des autres sont partagés. Il y en a qui voient dans cette innovation un danger pour la société et d'autres qui voient une évolution positive de la loi qui répond à la circonstance actuelle ou à des circonstances actuelles. Pour débattre de ce sujet, la radio Isanganiro a invité des acteurs politiques, des acteurs de la société civile. Ici au studio, nous avons l'honorable Bikolinda Gala Sylvestre. Il représente sur le plateau ici le parti Sahwanyofre Debout. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour. Vous êtes aussi membre du Conseil national de régulation, c'est de votre part. Si. Merci. Le deuxième invité, c'est M. Pasteur Habimana, il est président du parti FNL, Ilagil Yagahoutoulemi. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour et merci que vous ayez l'amabilité de nous inviter encore une fois. Merci à vous aussi. Le troisième invité, il s'appelle Eric Nkinguburundi, il est porte-parole du parti MRC Rwenzangemero. C'est lui qui représente le parti MRC ici dans son studio. Bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Le quatrième invité, c'était Jean-Marie Ndouimana du PISC, une organisation de la société civile. Il nous a dit qu'il ne peut pas être présent dans ce studio pour le moment. Il l'a dit à la dernière minute. Le débat sera mené avec seulement 3 invités et nous vous invitons tous pour les écouter. Je crois qu'ils ont des choses à dire à propos de ce projet de loi qui pose des questions aujourd'hui. Des uns et des autres ont des avis partagés, je l'avais déjà dit tantôt. Les questions à traiter sont les suivantes. Que dispose la loi en vigueur en cette matière actuellement? La matière dont on parle, c'est la perquisition. Et qu'est-ce qui motive ce changement en matière de cette perquisition? Et quels sont les avantages de la révision du code de procédure pénale, spécialement à la matière de perquisition? Est-ce un recul ou une avancée sur le plan de la sécurité et le respect des droits de l'homme? Voilà les grandes questions sur lesquelles nous allons insister dans notre débat. Et vers la fin, nous allons conclure notre émission sur les recommandations que nos invités vont émettre à la fin de cette émission. Et chers auditeurs, la charpente de cette émission est scellée là. L'émission d'aujourd'hui, Mosaïque, vous avez déjà entendu, est le thème d'aujourd'hui. À l'animation, c'est Silver Nakarutimana. À la cabine technique, c'est Aimé Toussaint Mitebouti. À la réalisation, c'est Alida Ndaïkez. À la radio Isanganiro, vous souhaite encore une fois la bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons la voix du porte-parole du gouvernement. Le code de procédure pénale actuel date du mois d'avril 2013. Et même si cette loi semble récente, on constate une évolution de la criminalité au Burundi, de telle sorte qu'il faut introduire de nouvelles règles dérogatoires au droit commun de la procédure pénale, spécialement en matière de perquisition ou pour certaines infractions graves limitativement énumérées par la loi, le mandat de perquisition n'est pas requis ni la perquisition de nuit maintenant sera autorisée. Le projet introduit également la perquisition numérique permettant aux autorités chargées de l'enquête de perquisitionner dans le système informatique et d'y saisir des données. Il prévoit Aussi, la perquisition en ligne opérée à partir du poste d'officier de police judiciaire vers le système où l'infraction a été commise ou vient de se commettre. Le projet tend à poursuivre l'effort de la modernisation de la justice pénale pour faire face aux nouvelles manifestations de la délinquance et de la criminalité. C'est dans ce cadre que le projet introduit des techniques particulières de recherche comme l'observation, l'infiltration, la livraison surveillée, les interceptions de correspondances par voie de télécommunication, la captation des données informatiques, ainsi que les sonorisations et la fixation d'images dans certains lieux et véhicules. Le projet revoit à la baisse les délais en rapport avec la procédure suivie dans l'instruction et le jugement des crimes et délits flagrants ou répétés flagrants dans le sens de provoquer le jugement rapide de ces infractions. Voilà, commençons cette émission en entrant dans le vif du sujet. Certainement que vous avez lu la loi en vigueur actuellement, la loi sur la procédure pénale. Que dispose la loi aujourd'hui sur la matière de perquisition, monsieur Pasteur? Je peux vous dire que je ne l'ai pas lu. Pas lu. De toute façon, je l'ai entendu sous coulisses. Parce que je suis burundais, je suis les informations. J'ai entendu parler que bon, il y a une loi, surtout partout on parle de cette perquisition en fait nocturne. Et tout le monde parle. Pourquoi ça? Pourquoi venir la nuit? Pourquoi? Beaucoup de questions là-dessus. Moi, je trouve que ushaka guhakana ubugabo akura impuzu. Comment ça se dit en français? Bon, en fait, vous allez traduire. De toute façon, si il est question de la sécurité aujourd'hui et que partout on parle que la sécurité, l'insécurité règne au Burundi, qu'il n'y a pas de sécurité au Burundi, et que le gouvernement trouve que pour assurer la sécurité de la population, parce qu'on nous parle qu'il y a bon, quelque part des armes cachées dans des maisons, qu'il y a des personnes qui sont dans des maisons, des personnes inconnues qui viennent d'ici et là, et que donc la journée, ils ne sortaient pas. Moi, je ne le dis pas parce que je les ai vus. Je ne les ai pas vus. Mais si le gouvernement trouve que quelque part... Ok, vous entrez déjà dans la question des motivations. Avant qu'on en arrive là-bas, est-ce que, M. Eric, vous avez une idée sur ce que prévoit la loi actuellement? Oui, j'avais déjà lu ce code pénal, surtout sur cette matière de perquisition. Il y a un paragraphe 3 qui parle concrètement de la procédure sur les perquisitions à partir de l'article 85, 86 et partir au-delà. Et en fait, c'est montré que la compétence relève du ministère public qui le fait, mais aussi sur la présentation de la carte. Quand il s'introduit dans un ménage, dans un quartier, il doit présenter sa carte. Carte d'identité ou... Carte de fonction pour l'officier de police ou le juge, je ne sais pas, mais il doit présenter quelque chose. L'autre aspect, c'est l'exhibition d'un mandat de perquisition qui doit être montré aux habitants de son ménage. Autre chose, c'est par rapport aux heures, la période normale. C'est dit, c'est clair que ça ne doit pas se faire avant 6 heures du matin, donc la nuit, non plus après, au-delà de 18 heures. Mon constat, mon analyse, mon observation est que donc cette disposition, je me dis que c'est presque universel, c'est international. Parce que même si on demande à travers tous les pays, ailleurs en Europe ou en Amérique, la plupart des dispositions, c'est de légers écarts. Tantôt c'est de 17 heures, donc on interdit de le faire après 17 heures et avant 7 heures, comme dans certains pays, on interdit de le faire avant 6 heures et après 18 heures. Donc c'est la même chose pour dire que ça a quand même une raison, une logique, donc il ne faut pas s'introduire dans un ménage pendant les heures de repos au niveau du soir dans les ménages. Moi, ce que j'ai retenu, ce qui m'a touché, c'est surtout ces aspects. On a eu l'essentiel. Honorable Bicoli Ndagara, est-ce que vous avez à ajouter par rapport à ce que M. Eric Kangengurundi vient de nous dire? M. Eric a tout dit. J'ajouterais seulement que le principe de non-violation du domicile, c'est un principe fondamental des droits de l'homme. Mmh. Et si partout sur la planète, généralement, on procède à des perquisitions domiciliaires la journée, c'est qu'il y a une raison fondamentale à cela. Selon vous, quelle c'était raison qui normalement interdisait les officiels de la police ou de la justice de faire la perquisition la nuit? Le fondement, c'est que c'est un droit fondamental que d'être en paix, en sécurité. Mmh. Et la nuit, c'est un moment de tous les malheurs qui peuvent arriver et incognito. Mmh. Et vous imaginez, par exemple, quelqu'un s'introduit la nuit chez vous. Mmh. Et vous avez des enfants, mais quel traumatisme ils vont subir si les gens commencent à fouiller la nuit, etc. Ok, nous avons compris. Monsieur Pasteur Habimana, à tout à l'heure, je vous ai coupé la parole au moment où vous commenciez à parler de la motivation de ce changement qui est en perspective. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelles sont les motivations qui poussent aujourd'hui au changement de cette loi? Mais d'abord, notons que je suis burundais. Oui. Et que je suis tous ceux qui se disent au Burundi. Et si donc le gouvernement, je ne suis pas porte-parole du gouvernement non plus, hein, de la présidence ou de quoi que ce soit. De toute façon, on dit, on parle. Si donc on dit, on parle, on accuse, jusqu'à prendre des sanctions contre notre pays, et qu'il est question d'insécurité, et que le gouvernement, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Et nous l'avons entendu quand même lui-même, il a et que l'autorité trouve que pour barrer à cette situation, il faut passer par cette voie. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est de tabler, de mettre cela sur la table. On étudie. Vous allez venir la nuit perquisitionner ma maison. Comment est-ce que vous allez vous présenter? Et comment est-ce que, bon, je vais introduire cela devant les enfants, comme il le dit enfin mon collègue, et ce traumatisme d'autres questions, comment est-ce que je vais balayer cela? De toute façon, il ne faut pas qu'ils viennent comme ci, comme ça, mais qu'on s'entende sur la façon dont on va opérer. Pour moi, je trouve cela parce que, autrement dit, demain, si nous, on va dire, bon, je suis du parti FNLEG, Yagao, tous les miens, et puis on dit, le gouvernement ne doit pas faire ça. Mais en Amérique, récemment, on a réclamé une bombe mère. De toute façon, c'est que En Amérique, ce sont les Américains qui ont largué la bombe. Ils ont largué ce sont des Américains qui ont largué cette bombe. Mais il y a pourquoi ils ont largué la bombe la plus puissante? Il y a une cause. Et si donc, au Burundi aussi, il y a une cause. Il y a une cause à ce qu'il y a. À ce que l'on change cette loi d'alors pour quand même aboutir à arrêter. Et cette insécurité qui est chantée un peu partout, je crois que... Est-ce que pour vous, c'est fondé, ce changement? C'est fondé? Tout est fondé. Ça dépend de celui qui est au pouvoir et ça dépend de celui qui n'est pas au pouvoir. Ça dépend de ce que pense l'opposition et la société civile. Et bien, de toute façon, vous n'allez pas aujourd'hui diriger un pays et vous allez dire, moi, je vais diriger et personne ne va pas contrecarrer ce que moi je veux. C'est pourquoi la démocratie est là. Et si donc cette loi n'est pas fondée ou fondée, maintenant on est en train de discuter. Il y a un moment où on ne pourrait pas discuter. Mais qu'on discute aujourd'hui, c'est que nous voulons quand même que si même la loi, on va travailler sur cette loi, mais de toute façon, qu'il y ait quand même des points sur lesquels nous allons nous entendre avec le gouvernement pour parier ou pour empêcher à ce que le collègue a dit ne puisse être opéré. Voilà, partons d'une supposition. Et à supposer que vous étiez député, est-ce que vous allez voter pour ce projet de loi ou vous serez obligé de rectifier le tir? Mais je ne le suis pas maintenant. Mais de toute C'est pourquoi façon, j'ai utilisé ainsi. Oui, mais de toute façon, j'écoute la population. Et si donc la population trouve que l'insécurité est là, il faut les conscientiser à ce qu'on puisse trouver une solution pour n'est plus bon, pour que quand même, bon, on ne peut pas dire qu'il n'y aura plus d'insécurité. Mais de toute façon, que le paysan sache qu'on est en train de travailler là-dessus. Si on trouve qu'ils opèrent deux fois, trois fois, ça ne marche pas, à ce moment-là, la loi ne sera pas, n'est pas applicable. Mais de toute façon, on ne peut pas barrer automatiquement, parce que si on bat automatiquement, faut pas qu'on acquise le pays, le Burundi, un peu partout, il y a une insécurité. C'est peut-être dans ce sens que le gouvernement a trouvé qu'il peut barrer, il peut essayer d'instaurer la sécurité. Eric Nkengo Burundi, vous êtes porte-parole du parti MRC, Renzangemer. Est-ce qu'on peut connaître la position de votre parti par rapport à ce projet de loi qui apporte des innovations en matière de perquisition? Qui dit que le mandat de perquisition n'est pas requis et que la perquisition doit lui être autorisée? Notre position est que, d'abord, cette innovation n'a pas de fondement, n'a pas de raison d'être, n'a pas vraiment de sens significatif dans le contexte politique sécuritaire actuel. Et tout d'abord, il y a quelque chose que je dirais que c'est contradictoire. Parce que d'un côté, le gouvernement persiste et signe beaucoup de fois que la sécurité est totale au niveau du pays, que c'est bien. D'ailleurs, à travers le communiqué du secrétaire général du gouvernement, il dit que c'est... Donc, nous avons, à ce sujet, nous avons un niveau élevé de criminalité. Donc, on observe un niveau élevé de criminalité. Et hier, même aujourd'hui et demain, vous allez entendre où on dit que la sécurité est totale et globale à travers toutes les provinces, toutes les communes. Donc, ça c'est une contradiction. Il faut prendre une position et apprécier le contexte actuel sécuritaire que nous vivons au Burundi. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, à notre niveau, à notre entendement, nous disons qu'il fallait plutôt améliorer. Il faut aller dans le sens d'améliorer, parce qu'au niveau de ce qui est écrit, au niveau du code, c'était bien écrit. Mais ce qui se fait, donc si on observe dans les faits, il y a beaucoup de dérapages, il y a beaucoup de manquements, parce que comme je vous l'ai dit auparavant, jamais on ne montre pas de mandat de perquisition. Ça, c'est une violation, c'est un premier manquement. Et aussi, il y a l'indiscipline notoire des policiers à travers des propos, des mots incivils, bergers même, et qu'ils lancent quand ils entrent dans les ménages, qui sont inutiles vraiment, qui n'honorent pas le corps. Et il y a aussi le manque de collaboration. En principe, s'il faut faire des perquisitions, il devrait y avoir une collaboration avec l'administration à la base, ce qui ne se fait pas. Donc, on s'introduit comme ça, là, on n'avise pas... Vous parlez de ce qui se fait actuellement. Ce qui se fait. Ce qui fait que je dis qu'il fallait plutôt penser à améliorer pour appliquer le texte tel que c'est mentionné, tel que c'est écrit. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de manquements, beaucoup de dérapages. Alors, c'est-à-dire que vous justifiez qu'il y ait un changement à ce niveau? Non, non. Donc, il fallait appliquer à la rigueur ce qui est écrit. N'oubliez pas que nous avons une certaine méfiance de la population par la police. Au Burundi, la population, les citoyens n'ont pas vraiment confiance à l'endroit de la police. Ils ne se sentiraient pas. Vous avez fait une enquête pour affirmer cela? À quel pourcentage vous pouvez dire que la population n'a pas de confiance? Vous verrez souvent s'il y a des bagarres, s'il y a un incident. Très rarement, vous verrez des citoyens qui refusent vers les policiers. Très rarement, parce qu'ils n'ont pas cette confiance. Ce sont des observations qu'on peut faire dans nos quartiers, dans nos communes respectives. Donc, moi, à mon avis, ces manquements se remarquent au niveau de la journée. Ça se fait la journée et il y a des erreurs, il y a des manquements. Pensez-vous alors si on le fait la nuit, donc s'il s'agit de perquisitions nocturnes? Notre position au niveau des MRC, ce que nous constatons, c'est que déjà, ça provoque une peur, panique élevée au niveau de la population, parce que vraiment, il n'y a pas de raison de s'introduire dans les ménages des citadins ou des citoyens à l'intérieur du pays, parce que il n'y a pas vraiment un grand danger qui se fait sentir au niveau du pays. Moi alors, je me dis que pour faire ça, il faut tout simplement déclarer, que le gouvernement déclare que nous sommes dans un état d'exception. État d'exception. État d'exception. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire des perquisitions nocturnes en temps normal. Pour qu'on fasse ça, il faut qu'on déclare qu'on est dans un état d'exception où on va d'ailleurs autoriser les limitations des airs pour entrer les couvre-feux. Okay. Là, ça va de pair. Si on introduit ça, si on officialise... Bon, je retiens que votre position est différente de la position de M. Pasteur Habimana. Et les auditeurs aussi aimeraient que la position du Frodebou par rapport à cette innovation qu'on veut apporter au code de procédure pénale. Pour vous, c'est une motivation fondée ou pas fondée? Vous avez déjà entendu ce que le porte-parole du gouvernement a dit. D'après ce qu'ils écrivent, ce qu'ils disent, il paraît qu'il y a une motivation, mais il y a tellement contradiction entre ce que nous entendons régulièrement par la voix du porte-parole du gouvernement ou des membres du gouvernement qui chantent la paix, la tranquillité, et pour justifier cette loi, ce projet de loi, ils disent qu'il y a évolution de la criminalité, mais c'est tout à fait contradictoire. Mais allons sur le plan du droit et des droits fondamentaux de la personne. Vous savez, nous avons une constitution. Nous avons une constitution qui garantit les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des citoyens. Et parmi ces droits, il y a celui de vivre au Burundi à l'abri de la peur et de la discrimination. Mais vous savez, la nuit porte la peur, hein? Je vous ai parlé du cas des enfants, ou même des épouses, ou même du chef de ménage. Quel est ce problème? Si le gouvernement ou si les institutions de l'État trouvent que faire la perquisition la nuit, faire la perquisition sans mandat, apporterait de la paix à la population? Non, il n'y a rien. Ça ne fera plutôt qu'aggraver. Qu'est-ce qui fonde votre peur? Ce qui fonde ma peur. Mais je vais vous citer un exemple. Quand on parle des gens qui viennent la nuit pour perturber la paix dans un quartier, et on dit que ce sont des policiers, par exemple. C'est souvent les représentants de l'autorité qui disent, mais il y a beaucoup de gens qui ont des uniformes de policiers, ce ne sont pas nécessairement des policiers. Comment alors, pendant la nuit, et avec toute l'obscurité qu'on vit, vous allez savoir que quelqu'un est vraiment mandaté? Même s'il amène son mandat de perquisition, tu ne pourras même pas le lire dans l'obscurité. Risque grave. Vous pouvez utiliser de la lampe torche? Non, ça ne se fait pas. Mais moi, je vous ai dit, mais pourquoi partout au monde, on a par principe limité les heures de perquisition entre, donc le jour où il fait, quand il fait jour, entre 6h du matin et 18h du soir. C'est pour qu'il y ait un peu de transparence et qu'il n'y ait pas peur, panique dans la famille ou dans les familles environnantes. Sinon, des bandits vont venir, ils vont dire, nous sommes policiers, je n'ai pas de mandat. Mais je peux perquisitionner. Mais ça, c'est très grave. Il y a un risque grave. Je vous dis aussi que, donc, à notre droit fondamental, c'est l'article 43 de la Constitution qui dit « Nul ne peut faire l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance. » Parce que dans cette loi, on parle aussi de, d'aller visiter les correspondances électroniques et autres. Oui, oui, ça, oui. C'est très grave. Mais comme le disait mon collègue Eric, s'il trouve qu'il y a danger imminent, mais qu'il décrète l'état d'exception, c'est prévu dans la Constitution. Et même en ce cas, la Constitution dit que ça doit être limité dans les délais. Ça doit être limité dans les délais. Actuellement, on le vit en France. Mais on donne 6 mois, on prolonge. Mais je vous dis que Amnesty International commence à se questionner sur ces prolongations aussi en France. Mais l'Amnesty International, c'est pas le dirigeant du pays. Non, justement, mais c'est une organisation pour les droits de l'homme. Donc, selon vous, avant d'avancer vers les innovations telles qu'ils sont annoncées, il faudrait une étape première de décréter un état d'exception. S'il juge ça nécessaire. Est-ce que pour vous, c'est nécessaire? Pas du tout. Parce que je vous dis que tout ce qu'ils veulent faire la nuit, mais ils peuvent le faire le jour. S'ils peuvent venir la nuit et ils encerclent la maison, où est-ce que vous avez, où le criminel, où le présupposé criminel va passer, ils peuvent fouiller la journée. Donc le principe actuel vaut et garantit tous les moyens d'arriver à l'objectif, de trouver le criminel. Monsieur Pasteur, vous avez déjà entendu les positions du représentant du MRC et du représentant du Savanya Frodebou. Est-ce que c'est pas une façon de condamner et de faire le procès à ce projet de loi Vakinones? Mais tout d'abord, au clair, si aujourd'hui nous habitons un pays, le Burundi, où déjà il y a une méfiance au niveau de telle institution ou telle autre, ça c'est très grave. Parce que si nous sommes des présidents de partis politiques et que nous sommes en mesure de parler, d'enseigner, au lieu de corriger et de conseiller, à ce que nos membres, bon, je parle dans le sens politique, dans le vrai sens politique. Je crois que tout parti politique agréé par le gouvernement est appelé à enseigner, à prêcher la paix. Et donc, aujourd'hui, il y a CNDD. Je ne vous dis que je ne suis pas du CNDD, FDD, mais moi, je suis démocrate. Et je dis ce que... Vous parlez comme un démocrate. Mais bien sûr. Si donc, demain, un autre parti va régner sur le Burundi qui nous disent, ah, les militaires. Il y a ceux qui disent, nous sommes contents lorsque nous voyons les militaires. Les autres disent, nous sommes contents lorsque nous voyons la police. Vous voyez. Donc, c'est grave. Ça, c'est très grave. Et c'est parce grave que les gens soient contents. Non. C'est, il n'appartient pas à nous, les politiciens, donner des voix, aller auprès de nos membres, leur enseigner, leur montrer que si la police est là, si les militaires sont là, ils sont là pour la sécurité de la nation. Et d'ailleurs, on le dit, et la police et les militaires ne font pas la politique. Et donc, si il est des cas très restreints, des polices qui ne font pas le travail comme il faut, des militaires qui ne font pas le travail comme il faut, il ne doit pas être objet à ce que toute la population soit fille de la police. Donc, si j'ai bien écouté, vous voulez dire que les craintes de Kengu Burundi et de M. Bikolindagara ne seraient pas fondées à partir du moment où c'est une infime partie de la police qui fait des exactions? Ah bah, c'est ça? Non. De toute façon, il a bien dit une certaine partie de la population se méfie de la police. Et ça, c'est ce que j'ai dit, que c'est très grave. À ce moment-là, la police ne doit pas exister. Et ça, c'est très grave parce que la police doit être... Mais de toute façon, deux polices, quatre polices, ou deux militaires ou quatre militaires font des bavures ici et là. Il faut comprendre. Mais on ne doit pas entacher toute la police. On ne doit pas entacher les militaires. Et donc, répondant à votre question, moi, je crois que la Constitution, comme il l'a dit, la Constitution, ce n'est pas une Bible. Même une Bible, il y a le pasteur, il y a le prêtre, et le Coran, il y a le chef. Hein. À côté de cela, il explique, il n'ajoute pas. Mais de toute façon, à partir du texte, on peut corriger d'une façon et d'une autre. Comme je l'ai dit avant, il faut asseoir ensemble. On va bientôt promulguer cette loi. Donc, est-ce que la loi... Vous prenez un dialogue sur ce projet de loi afin que les gens puissent s'entendre sur ce qui doit se mettre là-dedans. C'est ce que je voulais, comme un démocrate, je crois que tout ce que l'on peut faire, il faut dialoguer là-dessus. Mais dire qu'on ne peut pas faire, il ne faut pas introduire cette loi, il ne faut pas promulguer cette loi. Moi, je trouve ça anormal. Mosaïque. Nous commençons la deuxième partie de cette émission, mais avant d'entamer cette deuxième partie sur les avantages et les inconvénients de ces innovations, l'honorable Bikolindagara voudrait intervenir à propos de la Constitution, du contenu de la Constitution sur cette matière. Oui, merci. Bon, je voulais juste réagir sur l'affirmation de M. Metusela qui dit que la Constitution n'est pas une Bible, mais ça, c'est la Bible pour la société. Et c'est pourquoi on l'appelle la loi fondamentale. Aucune loi ne pourrait venir en violation de la Constitution. Et une disposition de la Constitution, article 61, juste dit, « Nul ne peut abuser des droits reconnus par la Constitution ou par la loi pour compromettre l'unité nationale, la paix, la démocratie ou violer de toute autre manière la présente constitution. Même s'il y a des pouvoirs qui vous donnent, utilisez-la suivant la constitution et la loi. Et dans le cas d'espèce, nous avions dit, bon, alors qui nous démontre qu'il y a incendie à la demeure et pour décréter un état d'exception, là ça sera constitutionnel. Mais apporter une loi quand nous savons que c'est le temps de paix, toutes ces dispositions nouvelles, en faire des dispositions permanentes, ça serait, je crois, contraire à la Constitution. Bon, je vais réagir un peu. Nous risquons de déplacer le débat. Non, vous avez droit à la parole. Bon, ok. Mais je crois que l'état actuel de ces mêmes qui parlent maintenant de la Constitution, et si on va à l'extérieur du Burundi et voir ce qu'ils sont en train de parler, de faire... À l'extérieur, vous pouvez dire concrètement... De notre pays, c'est-à-dire les pays à l'Occident, un peu partout sur Terre. Hein, est-ce que c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Allemagne, c'est quel pays? Mais vous croyez que l'Occident est content du Burundi récemment à Arusha? Vous avez suivi la déclaration de celui qui représente l'Union européenne. Vous l'avez suivi? Mais, non, j'ai pas bien suivi. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais de toute façon, les pays de la région avaient demandé qu'on lève les sanctions à l'encontre des sanctions prises à l'encontre du Burundi. C'est lui qui représente l'Union européenne a dit non. Sa réponse a été qu'a dit non. Et donc, s'il parle de la Constitution, de toute façon, il cite des articles. Est-ce qu'on va seulement partir de ces articles et lire, de toute façon, à côté de cela, il est d'autres lois. Mais qui partent? C'est pourquoi j'ai bien dit et je continue à redire qu'il faut asseoir et discuter. La constitution est là. C'est une loi fondamentale. Je l'accepte. Je respecte la constitution. Mais de toute façon, lorsqu'il y a un cas ou un autre, il faut que les Burundis assez ensemble et trouvent une solution. Ensemble. Monsieur Pasteur, ce que vous prenez, c'est le dialogue, c'est le débat vraiment sur ces innovations. Et ça va vous aider, ça va nous aider tous. Prenons cela, et nous avons entendu votre position. Monsieur Bikori Ndagara, quels sont les avantages de la révision du code de procédure pénale, spécialement en matière de perquisition? Si avantage il y a, selon vous? Moi, je n'en vois pas. Je n'en vois aucun pour l'instant. Ok, monsieur Pasteur, est-ce qu'il y a des avantages par rapport à cette innovation? Les avantages sont là. Oui. Parce que même en famille. Les avantages, oui. Papa et maman ne vont pas dire on va faire ça, c'est tout. L'enfant aussi, quelquefois. A un mot à dire. Mais bien sûr. Okay. Et donc, les avantages, la loi est là. Maintenant, vous nous avez appelé pour parler ce que nous pensons de cette loi. Et donc, vous voyez, je tourne toujours sur la même chose. Si, donc, on veut promulguer cette loi, ça a été étudié ici et là. Maintenant, c'est à nous, les politiciens, de devoir parler, nous aussi, là-dessus. Qu'on amène cette loi sur la table, on regarde la loi ensemble, on discute. Eric, est-ce que ce que Pasteur Habibana vient de dire n'est pas fondé? Parce que lui, il prône le dialogue, le débat sur ces innovations. Vous oui, le dialogue, oui, mais s'il faut parler des avantages, personne ne souhaiterait avoir des visites forcées, nocturnes, du moment que je vous ai déjà dit que ça fait peur, panique, parce que chaque fois à la fin de ces activités, à la fin de ces perquisitions qui se font la journée, on a toujours observé des incarcérations, c'est la journée. C'est peut-être ce qu'on veut éviter. Dis-moi si ça se fait la nuit, ce qui peut se faire. Et vraiment, il n'y a aucun avantage de le faire. Aucun avantage. Dans tout le texte. Mais aussi, il faut savoir que le texte date de très récemment, du 3 avril 2013. De 2013 à 2017, moi, je ne vois pas vraiment un grand changement qui pousse le gouvernement à vouloir changer ça. Pour moi, ce n'est même pas une priorité. Il y a d'autres choses qui sont prioritaires, qu'on devrait faire, qu'on devrait privilégier. À mon avis, il fallait arrêter. Il faut arrêter pour prioriser autre chose. Il fallait dialoguer. Donc, s'il faut dialoguer, ma préoccupation serait de les montrer, de les prouver d'autres nécessités pour les citoyens, pas vraiment au niveau de l'amendement de ce code pénal. Honorable Colin Degara, quel est votre avis par rapport aux avantages? Insistons sur les avantages de ce changement qu'on veut apporter. Mais moi, je vous ai dit que je n'en vois pas. Mais quand M. Metusela dit que ça serait bon de dialoguer, moi, je suis d'accord avec lui. Et si, dans tout le processus législatif, on pouvait faire comme ça, chaque fois, ça serait mieux. Faire participer tout le monde, parce que actuellement, combien de partis sont représentés à l'Assemblée nationale? Pour rappel à nos auditeurs, combien de partis sont représentés au niveau de l'Assemblée nationale? À peine deux. Deux. C'est le CNDD-FDD de pouvoir et Ami Zeroya Barundi, la coalition. Je crois que ce sont les seuls. Mais il faut dialoguer aussi. Bon, alors, il faut une procédure. Alors, et quand il ça, faut c'est du forcing. Quand il faut débattre sur. On débat sur un avant-projet, avant même qu'il n'aille au gouvernement. Pourquoi? Parce que le texte dont on nous parle est déjà passé au Conseil des ministres. Et c'est rare qu'un texte qui passe en Conseil des ministres ne passe pas comme tel à l'Assemblée nationale. Alors, si vraiment le gouvernement est pour le dialogue et le débat, qu'il retire son projet, qu'il ne l'envoie pas à l'Assemblée nationale ou au Parlement et qu'il l'amène devant les représentants des partis politiques. Est-ce que vous n'avez pas, confiance aux représentants du peuple qui siègent à Kigobé pour mener un débat de fond sur ce texte? Mais le gouvernement qui est ici des élections, ça représente ce que est l'Assemblée. C'est la même figure. Donc si le gouvernement a dû vraiment adopter ça, mais je vous dis que généralement rien ne change quand le texte vient à l'Assemblée. Parce que tout ça c'est très fondamental. Donc ces deux notions de perquisition sans mandat et perquisition donnée, c'est ça surtout qui fait très peur. Et au moment où le gouvernement parle de son apaisement, il ne faudrait pas qu'il réveille encore la peur. Moi, je vous ai dit une des dispositions de la Constitution. L'article 17 dit « Le gouvernement a pour tâche en particulier d'améliorer la qualité de la vie de tous les Burundis et de garantir à tous la possibilité de vivre au Burundi à l'abri de la peur. » Ça, c'est très important. Si vous commencez à autoriser des pétitions de nuit sans mandat, je vous dis, vous allez semer la peur, panique, qui est déjà là. La preuve, c'est les réactions qui sont passées par les réseaux sociaux quand ils ont entendu le communiqué du porte-parole du gouvernement. Monsieur, Je crois qu'aujourd'hui, je suis content. Je suis quand même content que mes deux frères aient dit que la paix règne. De toute façon, j'étais le seul qui, tout le temps, je disais la paix est là. Vous êtes content parce que vous avez une convergence content. Une fois. Je suis content parce que maintenant, lorsque le roi est là, va bientôt être promulgué, maintenant ils disent non, il n'y a pas d'insécurité à ce qu'ils reviennent la nuit, etc. Mais hier, avant-hier, on disait non, il n'y a pas de sécurité, ça ne va pas, etc. Le gouvernement, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, excuse-moi, est en train de chercher des voies et moyens de devoir parier à ceux qui ont peur que l'insécurité est là. Tout au moins, vous êtes d'accord avec le gouvernement, ce que le gouvernement veut? Non, pas d'accord avec le gouvernement. Je serai d'accord avec le gouvernement le jour où je ne vais pas vous dire que nous devons dialoguer là-dessus. Je vous ai dit que nous devons dialoguer. Si vous demandez de dialoguer avec quelqu'un, ça c'est la démocratie. Au lieu de dire non, lorsque vous dites non, il y a du forcing et je ne veux pas qu'il y ait utilisation de la force. Ok. Et, Monsieur Eric, est-ce que par rapport à ces innovations qu'on veut apporter au code de procédure pénale, on a parlé vraiment du mandat de perquisition, on a parlé de perquisition de nuit qui serait autorisée. Est-ce que, selon vous, c'est un recul ou c'est une avancée? Oui, permettez-moi d'abord de vous signifier que de temps en temps, je suis gêné quand vous utilisez le mot innovation, mais malheureusement, je ne vois pas comment corriger. Mais à mon sens, proposez-nous un concept plus ou moins. Quand vous parlez d'innovation, ça va dans changement, un sens positif. Peut-être changement. Un changement qui veut être apporté au code de procédure pénale. Peut-être, sinon, mais ça revient je suis même. Gêné bon. D'entendre que ce sont des innovations. Positivons quand même les choses. Alors que, franchement, si on essaie d'analyser en profondeur, il n'y a rien de positif. Parce que, comme on l'a déjà dit, il s'agit de recul parce que on observe des violations du domicile. Par principe, à l'ancien code, il était interdit de le faire le soir, la nuit. Et pour le moment, si c'est autorisé, là, c'est une violation du domicile. En quelque sorte, c'est comme une menace, c'est une attaque à l'endroit des habitants du ménage. Autre chose que je vais dire, au niveau de la procédure, on a forcé. Même si mon ami, mais tout cela parle du dialogue, prenez pour le dialogue, que nous prenons nous tous, le problème est que nous sommes gênés par ce qu'il appelle les voies et moyens. Mmh. Le gouvernement a déjà emprunté la voie de forcing. Parce que si on observe le canal déjà tracé, il n'y a pas moyen de dialoguer. Comment? À quelle étape? À quel niveau? Mais le projet c'est à sens unique, ça doit passer. De l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a encore une marge de mettre en tout cas quelques avis et considérations par rapport à ça. Oui, ce qui reste, c'est au niveau de l'amendement, au niveau des députés de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous n'avez pas les moyens? Moi, je donne peu de chance. Pour donner quelques avis à l'Assemblée nationale, notamment au niveau de la commission permanente qui va étudier le texte au fond. Moi, je recommanderais franchement de ne pas voter, de ne pas laisser passer cette loi parce que ça n'a pas vraiment une importance capitale dans ce contexte actuel où nous vivons une période de pauvreté, de famine pour la population. C'est pas un moment opportun pour aller faire des perquisitions dans un ménage où les enfants, les mamans, les papas n'ont pas eu de quoi à manger. Venir une heure du matin, deux heures, une heure du soir, la nuit pour leur demander des téléphones ou d'autres appareils. Moi, à mon avis, vraiment, c'est pas une préoccupation. Il fallait penser à quelque chose d'autre. Donc, pour moi, si les députés pouvaient penser qu'il y a des conséquences négatives qui peuvent retomber à leurs frères et sœurs, même à eux-mêmes, demain ou après-demain, quand ils ne seront pas au mandat, à mon avis, il ne faut pas laisser passer cette loi. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Entamons la dernière partie de cette émission, juste pour faire des recommandations. Nous avons entendu, bien entendu, les problèmes que vous soulevez, et les inquiétudes des uns et des autres. Il y a M. Pasteur Habimana qui parle d'un dialogue nécessaire pour que les choses soient tirées sur la table et qu'il y en a d'autres ici, même au studio, qui sont contre le projet de loi. M. Eric Ngengu Burundi. Et gêné d'entendre qu'on parle des innovations. Bon, ce sont des avis qu'on a déjà entendus, mais qu'est-ce qu'il faut recommander maintenant par rapport à ce projet de loi qui est décrié par certains et qui est accepté d'une certaine manière ou qui est vu positivement par d'autres? Qu'est-ce qu'il faut recommander? Je commence par l'honorable Vicoli Lagarde. Comme le texte est déjà passé au Conseil des ministres, nous recommanderions qu'ils le retirent, l'amène en débat public avec des acteurs politiques et autres, des droits de l'homme, et qu'on en discute, comme le disait Metusela. Parce qu'à mon avis, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas l'occasion vraiment d'introduire dans la loi sur la procédure pénale de telles dispositions. Parce que le risque est grand. Et ce que n'a pas dit le secrétaire général du gouvernement, il n'a pas tout dit, mais dans l'exposé des motifs, vous pouvez voir que on introduit une notion de cause d'excuse. Vous avez le texte. Moi, j'ai pu avoir une copie quelque part. Mais imaginez-vous, il y a une cause d'excuse pour le policier qui va pour commettre une infraction afin éventuellement de se protéger ou de protéger un autre. Dis-nous cette excuse qui se trouve dans le texte. Mais vous pouvez lire ça à partir des articles 45 et suivants. En quelques mots, quelle est cette excuse du policier? C'est-à-dire que le procureur, on dit que le procureur ou le ministre, je crois, de la justice peut autoriser l'officier de police à commettre une infraction, je ne sais laquelle, et que ce policier ne sera pas pénalement responsable. D'office, il est excusé. Mais vous imaginez ça. Alors, si on peut le faire la journée, surtout quand il y a question de légitime défense. Mmh. Imaginez-vous ce qui peut arriver la nuit. Mais la nuit est sacrée, je vous l'ai dit. C'est le temps de repos et de se remettre, donc retrouver les forces. Si quelqu'un te perturbe la nuit, vous savez, même au Burundi, c'est la coutume. L'homme, le chef de ménage a toujours une arme pour se défendre. Mais pendant la nuit aussi, il y a des infractions qui se commettent quand même. Mais une infraction qui se commet, ça c'est la flagrance, et ça c'est prévu. Mm. Mais imaginez-vous par exemple quelqu'un, on le soupçonne de posséder une arme à feu. Il est tranquille, l'arme est là depuis des mois, imaginez-vous. Et vous venez la nuit, et vous ne croyez pas qu'il peut y avoir des occasions de se tirer dessus. Mm-hmm. Mais ça sera très très facile de dire, j'ai voulu me protéger parce que l'autre voulait. La première recommandation que vous avez émise, c'est que vous voulez que le projet soit retiré. Et qu'il soit débattu comme le propose M. Metoussi. Vous avez une deuxième proposition par rapport à cette recommandation? Pas directement, mais il faudrait qu'on lise le projet profondément. Oui. Parce qu'il faut y aller chapitre par chapitre. Oui. Monsieur Habimana, vous voulez aussi... Fais-moi 3 minutes. D'accord. Ça, vraiment, je le demande. Mm. Moi, j'ai parlé du dialogue du début jusqu'à maintenant. Oui, on a senti. Oui. Maintenant donc, je vais prouver pourquoi moi j'ai parlé du dialogue. Mm-hmm. Vous recommandez le dialogue? On va dialoguer comment avec quelqu'un qui se méfie de la police, qui se méfie des militaires. On va dialoguer comment avec quelqu'un, les élections ont eu lieu. Mais il a peur et il dit que faire participer tout le monde, c'est-à-dire au Parlement, il y a seulement 2 partis. Mais je crois qu'il y a eu des élections. Il faut d'abord accepter qu'un jour, il y a eu des élections et il y a eu SNDD, FDD et Amizero et Abarundi qui ont passé. Donc, il faut l'accepter comme tel. Pourquoi? Parce que demain, je le disais tout à l'heure, il y aura quelqu'un d'autre qui sera au pouvoir et ça sera la même chose. Donc, nous devons nous accepter mutuellement aujourd'hui pour devoir dialoguer. Vous voyez? Donc, ce qui manque, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de reconnaissance. Vous ne me reconnaissez pas, je ne vais pas vous reconnaître non plus. Ça sera un sucre vicieux des années à années et on n'aboutira à rien. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous recommandez à côté de ce dialogue que vous J'implore le gouvernement de devoir faire tout à ce qu'il y ait la sécurité. Le gouvernement doit passer par toutes les voies possibles. Mais quand même, s'il y a 2 partis ici qui déclarent que ça n'ira pas la nuit, il faut leur permettre à ce qu'ils disent pourquoi. Et puis, on dialogue, on cherche une solution négociée, mais de toute façon, on négocie avec quelqu'un qu'on accepte. Mmh, absolument. Alors, M. Eric, qu'est-ce que vous recommandez du côté de l'IMRC? Me demander à recommander à l'endroit du gouvernement, franchement... Même aux autres acteurs qui sont impliqués. Franchement, ça serait me demander de l'impossible, parce que si je demande, si je recommande de retirer le projet de loi... Au niveau où ça arrive, je pense que c'est difficile. Mais ce ne serait pas le premier texte qui notre recommandation retirer. Est qu'on maintienne l'ancien code pénal. Les perquisitions se font la journée et non la nuit. C'est notre recommandation. Mais tout simplement, je crains à une chose. Et je ne, c'est pas une recommandation, mais je crains que si on avance toujours dans ce sens de forcing, demain ou après demain, il y aura risque à ce que les citoyens puissent se solidariser et refuser de tel genre de projet de loi ou de loi qui les contraignent à entrer dans des perquisitions nocturnes. Donc, demain ou après demain, ça peut occasionner de l'insécurité. Au lieu que ça donne un résultat positif attendent, ça peut donner un résultat négatif. Mais attention, les gens risquent de je vous ai dit que ce n'est pas ma recommandation. Mais j'ai droit quand même d'avoir crainte, d'avoir inquiétude. Mm. J'ai de l'inquiétude que ça ne passera toujours comme ça. La population, demain ou après-demain, ne continuera toujours pas à accepter tout comme ça. ça pourra arriver à un moment où les gens pourront dire non, c'est impossible, on ne l'admet pas. La population, c'est une force. Il faut qu'on l'admette plus que le gouvernement, plus que l'Assemblée nationale. C'est pour cela que je conseille fortement que l'on arrête de produire ce genre de changement ou d'innovation qui ne sont pas vraiment nécessaires pour le moment. Je l'ai dit, il y a beaucoup de préoccupations politiques, sécuritaires, économiques qu'on pourrait privilégier. Merci beaucoup. Nous étions en train de parler du mandat de perquisition qui ne serait pas requis selon le projet de loi sur le code de procédure pénale. Ces changements en perspective sont dans ce projet dont il était question dans cette émission. J'aimerais remercier les invités de cette émission Mosaïque d'aujourd'hui, l'honorable Bicoline Dagara Sylvestre. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Pasteur Habimana, vous êtes président du parti FNL Iragi Yagahotulemi. Merci d'être venu. Je vous remercie. Il y a un petit appel. Comme je ne m'accuse de rien, j'accepte qu'on mette cette loi sur la table. On discute parce que moi, je ne m'accuse de rien. Vous venez la nuit, la journée, mais mettez cela sur la table, on discute. Merci beaucoup, Eric Nkengurundi, d'être venu dans cette émission. Merci de nous avoir invités. Merci à vous tous qui écoutiez la radio Isanganiro. L'émission, c'était Mosaïque. Il faut retenir que, au niveau des recommandations, nos invités ont proposé, du moins du côté du Frodebou, de retirer ce projet qui vient d'être adopté par le Conseil des ministres, de l'amener dans le débat public. Et il y a Pasteur Habimana qui recommande le dialogue et Monsieur Eric Nkengurundi qui recommande tout simplement de garder le code de procédure pénale qui est aujourd'hui en vigueur. Merci beaucoup à vous tous et nous espérons vous retrouver dans l'émission Mosaïque de la fois prochaine. Sylvain Nakrotimana, j'étais à l'animation. À la technique, c'était Ahmed Toussé Mitebouti et à la réalisation, Alida Ndaikez. Mosaïque.